Différentes quand vous parlez pour dizaines de mille, sept voire centaines d'auditeurs. Auprès duquel le peintre de texte abrupt de se présenter sans support de la personne peut causer d'autres effets. Néanmoins, je me refuserai en tout cas à donner autre chose que ce texte de Jacques. Donc, à cette condition, grande confiance. Car vous le verrez, les questions qui sont posées sont forcément de l'intervalle de ce qui se produit d'une articulation construite. Et c'est en attendant, j'appellerai une conscience commune, et une conscience commune, ça veut dire aussi une série de formules communes. Ce langage que déjà les anciens, les Grecs, avaient appelé dans leur langue la koiné. Oui, je vais traduire ça tout de suite en français, et transcrire directement la koiné, sa koiné. Je ne méprise pas du tout la couine. Simplement, je crois qu'elle n'est pas probable. À ce qu'on y produise quelques effets de précipitation. À y introduire le discours le plus abrupt qu'il soit. Voilà. Et pour voir aujourd'hui, c'est pas seulement pour supplé dans l'effort, ça me sera, croyez, un effort beaucoup plus grand de vous lire ces textes que de procéder comme je fais d'habitude, de vous faire part de mes réponses à trois de ces questions. Pour ne pas tarder, que je vais vous articuler la première, qui est celle-ci. Dans les écrits, dit-on, vous affirmez que la preuve anticipe, sans s'en rendre compte, les recherches de Césure et celles du cercle de Prague. Vous expliquer sur ce point. C'est ce que je fais donc, non pas à l'improvisable, comme je vous ai prévu, en répondant que votre question me surprendit d'emporter une pertinence qui tranche sur les prétentions à l'entretien que j'ai à écarter. C'est même une pertinence redoutable. À 2 degrés, dit-on. Me prouver avoir lu les écrits qu'apparemment on tient par pour nécessaire à obtenir de m'entendre. Vous y choisissez une remarque qui implique l'existence d'un autre mode d'information que la médiation de masse, que Freud anticipe, Saussure n'implique pas. Qu'un bruit est passé du premier au second. De sorte qu'anticipé, vous me faites répondre avant que j'en décide. C'est ce que j'appelle me surprendre. Partons du terme d'arrivée. Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui avance et couvert de ce nom. Pourra-t-elle s'écrire entre les mains des stoïciens et tant qu'ils aiment-ils. La linguistique, avec Saussure et le cercle de Prague, s'institue d'une coupure qui est la barre posée entre le signifiant et le signifié pour qu'il prévale la différence dont le signifiant se constitue absolument, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui n'a rien à envier aux effets de cristal. Pour le système du phonème, par exemple, qui en est le premier succès de découverte. On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en admettant de sens qu'à ce que le réseau en répond, de l'incidence d'un effet, d'un contenu. C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale. Le signifié sera ou ne sera pas scientifique. uniquement pensable selon que tiendra ou non un champ de signifiance de son matériel même se distingue d'aucun champ physique par la science obtenue. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désert. Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi. Qu'il fasse clair dans les jours, par exemple, les stoïciens nous ont pensé. J'ai déjà interrogé à quel point. Tu sais, j'avais à négliger certaines reprises de mots, je dirais sémiotiques, toute discipline qui part du signe pris pour objet, pour marquer que c'est là ce qui faisait obstacle à la saisie totale du signifiant. Le signe suppose le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. C'est le quelqu'un dont l'ombre a occulté l'entrée dans la linguistique. Appelez ce quelqu'un comme vous voudrez, ce sera toujours une sottise. Le signe suffit à ce que ce quelqu'un se fasse du langage appropriation comme d'un simple. De l'abstraction, le langage n'est plus que support, telle que la discussion moyenne avec tous les progrès de la critique, je dis de la pensée à la critique. Il me faudrait anticiper, reprenant le mot de moi à moi sur ce que je compte introduire, la graphie de la chose, L apostrophe, A, C, H, O, etc., pour faire sentir en quel effet en position la linguistique. Ce n'est pas un progrès, une régression plutôt. Ce dont nous avons besoin contre l'unité d'obscurantisme, déjà ce sous-dauphin de prévenir la chose. Personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait qu'au temps du quelqu'un qui recueillait la signature des choses. Si Pythagore est homme, on ne présumait pas assez de la bêtise cultivée pour oser inscrire le langage au registre de la communication. Le retour à la communication protège, si j'ose dire, les arrières de ce que périne la linguistique en y couvrant le ridicule qui s'ouvre de cette vaisselle que la postérité. C'est à savoir ce qui, dans l'occultation du langage, ne pouvait figurer que de mythes à s'appeler télépathie. Enfant perdu, mendigo de la pensée que ce qui se targuait de la transmission sans discours. Il arrive pourtant le mythe, ce mythe a captivé Freud, qui n'y démasque pas le roi de cette cour des miracles dont il annonce le nettoyage. Miracle, c'est bien le cas de le dire, quand tous remontent à celui premier à s'opérer, de ce que l'on télépathise, du même bois dont on active, contrat social en somme, de fusion communicative, de promesse du dialogue. Quoi. Tout homme, qui sait ce que c'est, est mortel, à sympathisons d'être mis dans la même boîte. Parlons de tout, c'est le cas de le dire, de tout ensemble, sauf de ce qui habite la tête du syllogiste à mettre Socrate dans le cou. Car de là il ressort que sans doute la mort est administrée comme le reste. Le par est pour les hommes, mais sans qu'ils soient du même côté pour ce qui est de la télépathie du véhicule, une télégraphie. Le sujet ne cesse pas d'embarrasser chaque fois qu'on vient à ce carrefour. Que ce sujet soit peu communicable, soit bien déterminé et ce dont la linguistique prend force. Jusqu'à mettre le poète, oui, le poète dans son sac, car le poète se produit d'être qu'on me permette de traduire celui qu'il démontre, mon ami Jacobson, manger des vers. Trouvent entre eux leur arrangement sans se soucier, se manifeste de ce que le poète en a su. Ou la consistance chez Platon de l'ostracisme dont il frappe le poète en sa république, et de la vive curiosité qu'il montre dans le cratyle pour ces petites têtes qui paraissent être les mots à n'en faire qu'à leur tête. transformalisme était précieux à soutenir les premiers pas de la linguistique. Mais c'est tout de même de trébuchement dans les pas du langage, dans ce qu'on appelle la parole, qu'elle a pris son élan. Que le sujet ne soit pas ce qui sache ce qu'il dit, quand bel et bien se dit quelque chose par la touche où on le loge, certes, mais aussi bien dans les panoplies d'une conduite qu'on met à son compte, dans la cervelle dont il ne cède qu'à ce qu'elle dorme. Cet organe s'avérant de tenir sa portée subjective de ce qu'il règle le sommet, de ce que Freud dévoile comme l'inconscient. Par mon passage en ce monde, le nom de Lacan aura consisté à articuler que c'est ça, que ce n'est rien d'autre. N'importe qui peut s'en assurer maintenant, rien qu'à lui. N'importe qui opère selon ses règles, la psychanalysée doit s'y tenir, sauf à le payer de choix dans l'appétit. Taylor a énoncé que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui s'impose, ce qui est la formule que je libère maintenant. L'inconscient est la condition de la linguistique. Sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour douteux dont l'université, au nom des sciences humaines, fait encore éclipse la science, couronnée à pied par les soins de Baudouin Courtenay, et il fut sans doute resté. Mais l'université n'a pas dit son dernier mot. Elle va de ça faire sujet de thèse. Influence sur le génie de Raymond de Saussure, du génie de Freud. Démontrer d'où vient au premier le vent du second, avant qu'existât la radio. Se faire comme si elle ne s'en était pas passée toujours, ou assourdir autant. Et pourquoi Saussure? Se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de votre citation, dit à M. Georges, mieux que Freud lui-même de ce que Freud anticipe, notamment la métaphore et la métonymie lacanienne, lieu où Saussure génuit chaque fois. Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, ce qui en sait la portée vraie. La canaillerie ne le rend pas bête, c'est parce qu'il n'est pas analyste. Dans cette position, par contre, les mauvais procédés dont s'habille l'infatuation universitaire ne vous frappent pas l'Europe. C'est là comme un espoir. Et le jette droit dans une gourde comme de dire que l'inconscient est la condition du langage. Il s'agit de se faire auteur ou défendre de ce que j'ai dit, voire seriner aux intéressés, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Je ris encore du procédé devenu là stéréotype, au point que deux autres, mais pour l'usage interne d'une société, que sa bâtardise universitaire a tué, ont osé définir le passage à l'acte et l'acting out. Exactement des termes que je leur avais proposés pour les opposer l'un à l'autre, mais simplement à inverser ce que j'attribuais à chacun. De toute façon, pensait-il de s'approprier ce que personne n'avait su en articuler avant. Si je défaillais maintenant, je ne laisserais d'œuvre que ces rebuts choisis de mon enseignement dont j'étais buté à l'information dont c'est tout dire qu'elle le diffuse. Que j'ai énoncé dans un discours confidentiel n'en a pas moins déplacé l'audition commune au point de m'amener un auditoire qui m'en témoigne d'être stable en son énormité. Je me souviens de la gêne dont m'interrogeait un garçon qui avait assisté à la production de ma dialectique du désir et subversion du sujet devant un public fait de gens du parc seul. Parmi lesquels il s'était égaré. J'ai gentiment, gentil comme je suis toujours, pointé à la suite plusieurs revues dans mes écrits, l'ahurissement qui fit répondre. Croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous ayez dit quelque chose, inscrivez lettre au tableau noir pour en attendre un résultat. Un tel exercice a porté pourtant, j'en ai eu la preuve, titre seul du redoutement, qui lui fit un droit pour mon livre. Le fond de la fondation forte qui motivait cette réunion d'avoir à laisser manger, s'étant impensablement asséché du même coup. Cet effet qui se propage n'est pas de communication de la parole, de votre adresse, ceci, mais de déplacement du discours. Freud incompris, fût-ce de lui-même, d'avoir voulu se faire entendre, est moins servi par ses disciples que par cette propagation, celle sans quoi les convulsions de l'histoire restent énigmes comme le moi lui-même, dont se déroutent ceux qui s'emploient à les rendre certes d'un sens dont la dialectique se présente comme dérisoire. Voilà. Si vous n'êtes pas fatigué, je vais vous répondre, je vais vous énoncer ce que j'ai répondu à la deuxième question qui se formule ainsi. Vous verrez qu'elle est importante. La linguistique, la psychologie et l'ethnologie ont en commun la notion de structure. À partir de cette notion, m'interroge M. Georges, ne peut-on imaginer l'énoncé d'un champ commun qui réunira un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique? Je réponds. Et je pense que cette réponse a plus d'importance que la première impressionniste à laquelle je me suis livré. Je réponds ceci. Structure est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage. À partir de ceci, de cette pétition de principe que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'attribut d'un supposé dans l'existence qui, quel qu'il soit, moi, l'organisme adapté de connaissance, implique pour quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Fonction par où donc quelqu'un se représente, on peut dire, les relations qui font le réel. Ce dernier terme est composé d'une catégorie. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorie. De la présence, non des relations au premier plan, mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage, que nous partons pour en suivre l'effet, qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque. Car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière entre sujet des énoncés et sujet de l'énonciation. Rien de plus exempt d'idéalisme. Nul besoin d'autre part de parquer les structuralistes, à moins de vouloir leur faire endosser les ritards du pourrissement couvert qui va causer par l'existence. N'importe qui a à se repérer de la structure. En tout cas, s'en trouvera bien. Pressentez, lui dit, ici, ma réponse à la réunion, vous vous rappelez, l'économie d'ethnologie, je ne sais pas quoi, mais dans le ciel, à la réunion que vous me proposez. Nota, le particulier de la langue et ce parcours. La structure tombe sous l'effet du cristal dit plus haut. de qualifier ce particulier d'arbitraire est lapsus. Ceci à cause de ce qu'à contre-cœur, certes, mais par là d'autant plus offert au trait de chemin, il l'a pris à partir de ce discours universitaire dans le monde. Le recel, c'est justement ce signifiant qui domine le discours du maître. On voit que parler de corps n'est pas, quand il s'agit du symbolique, une métaphore, car le dit corps se trouve, pour le corps pris au sens naïf, une clé déterminante. Le premier fait le second, ceci incorpore, d'où l'incorporel, qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation. Rendons justice aux stoïciens d'avoir su de ce terme, l'incorporel, signé en quoi le symbolique tient au corps. Incorporel, sont ce qui est dit, savoir la fonction. Non pas celle du sujet, mais celle qui fait réalité de la mathématique. L'application de même effet à faire réalité de la topologie, ou l'analyse en un sens large pour la logique. Mais cet incorporé de la structure fait l'affect, ni plus ni moins. Affect seulement à prendre de ce qui de l'être s'applique. N'y ayant qu'être de fait, soit qu'être dit quelque part. Par quoi s'avère que du corps, il est sûr qu'il soit mort ou vif. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant, la sépulture, soit où d'une espèce s'affirme, au contraire d'aucune autre, le corps mort le garde. Ce qui au vivant donnait le caractère corps. Or, qu'habitait la parole, le langage corpsifiant. La zoologie peut partir de la prétention de l'individu à faire l'être du vivant, mais c'est pour qu'il en rabatte. Seulement qu'elle le poursuive au niveau du politique. Le corps à le prendre au sérieux est d'abord ce qui peut porter la marque propre à leur rangée dans une suite de signifiants. Dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle mais nécessaire, car c'est encore la supporter de s'y soustraire. D'avant toute date, lointain, désigne le lieu dit de l'autre avec le signe du grand A par l'acte. De l'un en moins, le lit est fait à l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant être. Ainsi ne va pas toute chair. Et seul qu'emprunt le signe à les négativer montre que ce que corps s'en sépare, les nuées, hautes supérieures de leur jouissance, lourdes de foudre à redistribuer corps et chair. Répartition peut-être moins comptable, mais dont on ne semble pas remarquer que la sépulture antique y figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments les instruments de la jouissance, colliers, gobelets, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Ai-je animé la structure? Assez, je pense, pour dénommer des domaines qu'elle unirait à la psychanalyse, annoncer que rien n'y destine les deux que vous dites spéciales. La linguistique peut définir le matériel de la psychanalyse, voire l'appareil de son opération. Elle laisse en blanc tout ce produit, ce qui la rend effective, soit ce dont à l'articuler comme l'acte psychanalytique, je pensais éclairer plus d'un autre acte. un domaine ne se domine que d'un opérateur. L'inconscient peut être, comme je le disais, la condition de la linguistique. Ceci ne donne à la linguistique pas la moindre prise sur lui. Je l'ai trouvé de la contribution que j'avais demandé au plus grand des linguistes français pour en illustrer le départ d'une revue de ma façon. De ce fait, j'ai voulu plus spécifier dans son titre, la psychanalyse, qu'elle s'appelait. Rappeler à ceux qui en ont fait au marché. De cette demande de linguiste, j'avais espéré un pas dans le problème des mots antithétiques, dont on pense bien que je ne m'étonne pas que Freud l'ait introduit. Si le linguiste ne peut faire mieux, comme il parle, que formuler de la connaissance du signifié, exige un choix dans l'antithèse, ceci doit donner aux gens qui parlent l'arabe ont beaucoup à faire avec de tels mots, autant de mal qu'à répondre à une montée de fourmilière. Il n'y a pas moindre barrière du côté de l'ethnologie. Un enquêteur qui laisserait son informatrice lui compter fleurette de ses rêves se fera rappeler à l'ordre s'il les met au compte de ce qu'on appelle une carte. Le censeur, ce faisant, comme il l'a fait, ne me paraîtra pas utile de Strauss lui-même marquer mépris de mes plateformes. Où irait le terrain s'il se détrempait d'inconscient? Ça n'y ferait, quoi qu'on en rêve, nul effet forage, mais flaque de notre cru. Car une enquête qui se limite, dans sa définition, au recueil d'un savoir, c'est un savoir de notre tonneau et de la nourririons. Une psychanalyse elle-même, qu'on n'attend pas de recenser les mythes qui ont conditionné un sujet, de ce qu'il ait grandi au Togo ou au Paraguay. Car la psychanalyse, cela je vous l'ai déjà fait remarquer ici, s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On obtiendra ce de ceux-là même, pas d'autre mythe que ce qui en reste en notre discours, les dictogènes. Matériel dont se fait l'analyse du mythe, écoutons Lévi-Strauss énoncer qu'il est intraduisible, ceci à bien l'entendre, car ce qu'il dit littéralement, c'est que peu importe en quelle langue ils sont recueillis, ils seront toujours eux-mêmes analysables de ce théorie des grosses unités du terme de Lévi-Strauss. L'ithologisation définitive les articulera. On saisit là le miracle d'un niveau commun avec ce que j'appellerais l'universalité du discours psychanalytique. Mais, et du fait de qu'il démontre l'extrême dans l'occasion, sans que l'illusion s'en produise, car ce n'est pas d'un jeu mitaine qu'opère la psychanalyse. Elle ne puisse se passer que dans une langue particulière, qu'on appelle une langue positive, plus même à jouer pour l'analyse de la traduction. Il fait 40 ans qu'il n'y a pas de métalangage, selon ma formule. Le fait langage ne suit produit que du cristal linguistique. Son universalité n'est que la topologie retrouvée de ce qu'un discours s'y déplace. Ce discours spécifié de ce que la mythologie s'y réduit à l'extrême. Ajouterais-je que le mythe dans l'articulation de Lévi-Strauss soit la seule forme ethnologique à motiver votre question, dis-je à l'orge, la réunion. Communique donc dans cette seule articulation. Refuge tout ce que j'ai promu de l'instance de la lettre dans l'inconscient. Il n'opère le mythe, ni de métaphore, ni même d'aucune métonymie. Il ne condense pas, il explique. Il ne déplace pas, il offre, même à changer l'ordre du temps. Il ne joue qu'à combiner ses unités lourdes, ou le complément, à assurer la présence du couple et montre le poids d'un savoir. Ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure. Ainsi, dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe dont le sexuel est impliqué dans la passion signifiée. Que ce point paraisse ailleurs se multiplier. Voilà ce qui fascine spécialement l'universitaire dans le discours duquel ce point fait défaut. Il procède le recrutement des novices de l'ethnologie. Se marque un effet d'humour. Noir, bien sûr, à se peindre de faveur de secteur. Ah, faute d'une université qui serait ethnie, allons d'une ethnie vers université. La gageure de cette pêche qui définit le terrain comme le lieu où faire écrit d'un savoir dont l'essence est de ne pas se transmettre par écrit. Désespérant de voir jamais la dernière classe, recréons la première. Les codes savoirs qu'il y a dans la classification. Le professeur ne revient qu'à l'aube, dirais-je en contrepoint de Hegel. C'est l'histoire de la chèvre. Je garderai même distance à dire la mienne à la structure. Au nom de ce que votre question met en jeu de la psychanalyse. D'abord, que sous prétexte que j'ai défini le signifiant comme ne l'a osé personne, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon affaire. Bien au contraire, c'est la première, ce sera aussi la dernière. Mais il fallait se détruire. Ce que j'ai dénoncé d'une sémiotique implicite, dont seul le désarroi aurait permis la linguistique, n'empêche pas qu'il faille la refaire. Et de ce même nom, puisqu'en fait, c'est de celle à faire qu'à l'ancienne nous le reportons. Si le signifiant représente un sujet qu'il attend, pas un signifié, et pour un autre signifiant, insistons, pas pour un autre sujet, alors comment peut-il tomber au signe qui, de mémoire de logicien, représente quelque chose pour quelqu'un. C'est au bouddhiste que je pense à vouloir animer ma question cruciale, celle que je viens de poser, signifiant aussi, je l'animerai d'une pâte fumée sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis avec. S'il me signale le quelque chose que j'ai à traiter, je sais d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leurre du signe que ce quelque chose est la division du sujet. Laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signifiant. Par quoi ? Il ne saurait représenter un sujet qu'un être un que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, tel quel cette division, l'a affronté au savoir du sexe, traumatiquement, de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite, que le signifiant n'est pas propre, à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. De mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. Ce quelque chose, le psychanalyste interprète cette intrusion de signifiant. Certes, je m'exprime depuis 20 ans à ce qu'il ne me prenne pas pour une chose, puisque c'est faille et de structure. Mais qu'il veuille en faire quelqu'un est la même chose, puisque ça va à la personnalité en personne. Total, comme à l'occasion, chante l'ordure. Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de maintenir à cette place le quelque d'eux, avec ce supplément de Freud qu'il ne saurait satisfaire à aucune autre réunion que celle logique qui s'inscrit ou l'un ou l'autre. Qu'il en soit ainsi du départ dans le signifiant dire au signe, vous trouvez maintenant le quelqu'un qu'il faut lui procurer d'urgence. C'est le hic qu'il se fait nimpe qu'à être psychanalyste, mais aussi lacanique. Bientôt tout le monde le sera. L'audience en fait prodrome, donc le psychanalyste aussi. Suffirait la montée au zénith social de l'objet qui, par moi, petit a, par l'effet d'angoisse que provoque l'évidement dans le produit de notre discours, de manquer à sa production. Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe, l'évidence est faite chez nous. De ce que, quand on n'y sait plus à quel sens se faute, autrement dit qu'il n'y a plus de signifiant à faire, c'est ce que ça faut. On y achète n'importe quoi, une bagnole notamment, à quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut dire, de son ennui, soit de l'affect, du désir d'autre chose, avec un grand A. Ça ne dit rien du petit A, parce qu'il n'est déductible qu'à la mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de psychanalystes le manient bien, même à le tenir de l'enseignement. Je parlerai donc en parabole, c'est-à-dire pour dérouter, à regarder plus près le pas de fumée, si j'ose dire. Peut-être franchira-t-on celui de s'apercevoir que c'est au feu que ce pas fait signe. De quoi il fait signe est conforme à notre structure, puisque lui promettait une fumée, plutôt le signe de ce sujet, qui représente une allumette. Premier signifiant pour savoir. Le cas Ulysse abordant un rivage inconnu, une fumée au premier chef laisse présumer que ce n'est pas une île déserte. Notre fumée est donc le signe, pourquoi pas, du fumeur, hein, mais allons-y, du producteur de feu. Ce sera plus matérialiste et dialectique. Ulysse pourtant donne le quelqu'un est mis en doute, à rappeler qu'aussi bien il n'est personne. Il est en tout cas personne à ce que s'y trompe une fatte polyvée. Mais l'évidence que ce ne soit pas pour faire signe à Ulysse que les fumeurs tentent nous suggère plus de rigueur au principe du signe, car elle nous fait sentir comme au passage de ce qui pêche à voir le monde comme phénomène, et que le nous-même de ne pouvoir dès lors faire signe qu'on nous soit au suprême quelqu'un, si nous intelligent, toujours, démontre de quelle pauvreté procède la vôtre à supposer de tout fait signe. C'est le quelqu'un de quelque part, de nous pas, qui doit tout manigancer. Que ça nous aide à mettre le pas de fumée sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu pour qu'on entende ce qui chante. Les tourbeurs des incendies de forêt ne montrent pas quelqu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'attaque. Qu'il fasse la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme dit la psychanalyse répond au feu pour mettre sur la voie de ce qu'il y ait en ratio, au ciel et sur la terre, d'autres matières à faire sujet que les objets qu'imaginent votre connaissance. Les produits, par exemple, à la qualité desquels, dans la perspective marxiste de la plus-value, le producteur, plutôt au maître, pourrait demander compte de l'exploitation qu'il subit. Quand on reconnaîtra la sorte de plus de jouir qui fait dire ça à quelqu'un, on sera sur la voie d'une matière dialectique, peut-être plus propice de la chair à partie, bien connue, à se faire le babysitter de l'histoire, que pourrait être le psychanalyste si sa passe était éclairée. Voilà ce que je réponds à la deuxième question. Entre psychanalyse et linguistique, ne serait-elle pas le privilège accordé à la métaphore et à la métonymie par Jacobson sur le plan linguistique et par nous sur le plan psychanalytique? Je ne vous lirai pas la réponse que je fais à cette question parce qu'elle est d'autant plus impertinente qu'elle m'en est. Il y a eu assez de gargouillage sur le fait que j'ai ou non emprunté la métaphore de l'économie à Jacobson quand je vais partir. Je croyais quand même que les auditeurs avaient quelqu'un qui savait ce que c'était Jacobson. Ils l'ont découvert dans les 15 jours. Je l'ai dit au sortir français. À ce moment-là, on m'a dit regarde-le à la con, il ne cite pas Jacobson. Après quoi, ils ont lu Jacobson, oui, ils se sont aperçus. Vous avez notamment la raison de citer Jacobson, vous disiez quelque chose de tout à fait différent. Et là, ils ont dit oh, il y a une bouscule, Jacobson, il le distord. Bon, enfin, tout ça, c'est une question 4. Vous dites que la découverte de l'inconscient aboutit à une seconde révolution copernicienne. Ça, ça veut dire le terme. L'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance. Ah. Eh ben voilà, on y va, hein. Notre question va à chatouiller les espoirs teintés de faits moindres. Qu'inspire le sens dévolu à notre époque au mot révolution. On pourrait noter son passage ce mot a une fonction sournoyante dans la politique. Un rôle d'idéal dans le palmarès de la pensée. Je note que ce n'est pas moi qui joue ici de ces résonances. Donc, seul, je le dis, la coupure structurelle peut combattre l'amorphisme. Je parle des résonances. La coupure structurelle seule peut donner un sens au mot révolution. Pourquoi ne pas partir de l'ironie qu'il y a à mettre de la révolution au compte des révolutions célestes qui n'en donnent pas tout à fait la même. Qu'y a-t-il de révolutionnaire dans le recentrement autour du soleil du monde solaire? Après tout, à entendre ce que j'articule cette année d'un discours du maître, on peut y trouver que celui-ci y clôt fort bien sa révolution, laquelle, par la boucle prise de la science, de l'épistémé que je démontre être sa visée, revient à son départ d'un signifiant maître absolu qui s'y figure du soleil. Dans la conscience commune, l'idée que ça tourne autour, voilà les lions centriques. Ce que j'adore, c'est Gloria, tout à l'heure, une faute de Franck, elle a s'appelé Franck Matin, l'ego centrique, Achilleo. Je trouve ça sublime. Il indique que ça tourne rond sans qu'il y ait plus à les regarder. Maîtresse, au comte de Galilée, l'insolence politique du roi Soleil. Les anciens, par contre, ont prouvé l'usage en quelque sorte dialectique à quoi prêtent les apparences qui résultent de la bascule de la terre sur l'église. Les images de lumière et d'ombre sont là propices à un discours articulé. J'en mettrai en opposition au centrisme, un photocentrisme comme beaucoup moins asservissant. La métaphore que Freud prend de Copernic et à la connoter, lui, vous vous souvenez de son texte, plutôt d'un effet de chute que de subversion, vise en fait à atteindre le centrisme lui-même. Exactement. La prétention reçue d'une psychologie qu'on peut d'autant mieux dire inentamée à son époque qu'elle l'est toujours à la nôtre. La prétention de la conscience à pouvoir recenser ce dont elle dispose au registre de la présentation. Il est clair à le lire que cette figure d'englobement, parfaitement insouciante, dirions-nous, des exigences d'une topologie, pour simplement est ce qui est visé dans la métaphore. C'est à approfondir celle-ci qu'on rencontre sa pertinence, c'est en cela que je la retrouve. Car l'histoire prise au texte où la révolution copernicienne s'inscrit démontre que ce n'est pas le changement de centre qui fait son être, au point qu'entre parenthèses, c'était pour Copernic lui-même le cadet de ses soucis. C'est autour de quoi tourne, mais justement, c'est le mauvais temps, oui. Autour de quoi gravite l'effet d'une connaissance en voie de se repérer comme imaginaire, c'est nettement. On le lit à faire avec Poiret de l'approche de Kepler, le journal, de se pénétrer de l'idée de la forme circulaire d'être la plus parfaite, de seul convenir à l'affection du corps céleste. Introduire en effet la trajectoire elliptique, c'est faire qu'elle vit à se rapprocher du foyer occupé par le corps mère, mais aussi bien de l'autre, vide autant qu'obscure, dont elle se ralentit. Voilà où gît l'importance de Galilée. Non pas dans cette ellipse, il ne semble pas l'avoir tellement retenue, mais en tout cas ailleurs que dans l'échauffourée de son procès, dont j'ai indiqué tout à l'heure que l'enjeu est ambigu, sinon pas le parti à y prendre. Son importance est dans les premiers pas qu'il fait faire. À la recherche sur la chute des corps dont va s'éclairer cette ellipse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dans l'histoire à illustrer de la façon la plus opaque d'ailleurs. La définition que je donnais de la structure, c'est la formule qu'enfin Newton met à la clé de cette chute des corps en expliquant par elle définitivement le chemin des astres. Car c'est aussi la présence en tout point du réel, autrement dit en chaque élément de masse, de la formule prise en elle-même de l'attraction, soit une équation du fond de traction. Car c'est ça. La loi impossible a étouffé, a pu penser que... À foutre en l'air la surprise et le scandale qu'attestent les contemporains, c'est le temps de ce que chaque point du monde soit averti à chaque instant des masses d'enjeux pour l'attirer, aussi loin que ce monde s'est va-t-il ici rappeler que le champ de gravitation se distingue par sa faiblesse des autres champs électromagnétiques, par exemple, mis en jeu par la physique. Il résiste en outre à l'idéal presque réalisé, le temps d'unification du champ. Quoi qu'il en soit du retour d'esthétique transcendantale, dans ce terme au sens de temps, que constitue la rectification einsteinienne dans son étoffe, conclure l'espace et dans sa justification, nécessité d'une transmission que la vitesse limitée de la lumière ne permet pas d'annuler. Il reste que la révolution newtonienne s'est affirmée d'être impensable, c'est ce qu'admet Newton lui-même de l'hypothèse non fingo, qu'elle confirme ma formule de l'impossible, celle réelle. Inutile de souligner que dans le LEM, L-E-M, à l'unisson, c'est de la même formule, cette fois réalisée en appareil qu'il s'agit, que je souligne l'acosmisme de la réalité présente. Tout cela nullement pour dire que Newton soit à mettre au chef du structuralisme, ni même au compte de la structure, mais d'abord que notre science se trouve dans le champ des exacts déjà articulés de ce dont le problème se pose dans le champ des conjecturales, pour souligner ensuite la forme qu'on peut dire inéducable, qui dans la théorie de la connaissance se spécifie de la psychologie. Car si, comment le prétend, Kant se motive d'une prétendue cosmologie à rénover d'après Newton, comment se fait-il que rien ne s'y articule de ce que Newton produit de la formule de la relation qu'on intruse dans le réel? La chose en soi, par contre, celle qui faut à Kant, c'est tout bonnement rien d'autre que la psychologie qui la sénonce tout comme de Wolf, voire de Lambert. Ainsi, demain, sera le moi autonome ramené vie en tête par la clique de New York en dépit de la révolution freudienne. Éclairons notre langue milieu de bande à de soi-même. Il n'est pas étonnant que les formes de cette connaissance se définissent comme a priori que ce monde, il est le fait total. Et qu'ont-elles à faire ces formes avec l'équation de Newton et ce qui s'en déduit comme accélération? Rien d'étonnant à ce que la raison pure ou pratique soit hors d'état ici d'en remontrer plus qu'elles ne sont comme organes. À ce titre, comme le reste, aussi intrinsèquement spécularisé que peut l'être un solide quand il est de révolution, soit relevant d'une géométrie intuitive, c'est pas révolutionnaire du tout. Je remarque ici que la révolution de quelques grands-terres, que l'est pourvu la française, serait pourtant à présent réduite à ce qu'elle est pour Chateaubriand. Retour au maître, Issel, la grande, la nôtre, ne faisant que précipiter. Pour un historien Tocqueville digne de ce nom, les idéologies de l'Ancien Régime, voire pour un autre thème, une folie bonne pour un internement précautionneux jusqu'à ce qu'elle se calme, sans parler de la débauche rhétorique censée la disqualifier. Il en serait ainsi si Marx ne lui avait donné ses titres de structure à la motiver du discours du capitalisme, avec la découverte qu'il comporte de la plus-value comme foreclose dans ce discours, mais animant de ce fait la conscience de classe, soit permettant l'œuvre politique dont Lénine fait le passage à l'acte. C'est en quoi mon analyse de Freud réitère Copernic d'un autre biais que de métaphore. Freud, dans l'inconscient, découvre l'incidence d'un savoir tel qu'a échappé à la conscience d'être reprise de son recensement, il ne s'en dénote pas moins d'être proprement articulé, structuré, dis-je, comme un langage, impensable autrement en les effets dont il se marque, mais aussi bien, n'impliquant pas quoi que ce soit qui s'y connaît. Le double sens de s'y connaître, comme s'y connaît l'artisan, complice d'une nature à quoi il naît en même temps qu'elle, et de s'y reconnaître à la façon dont la conscience fait croire qu'il n'est pas de savoir qu'il ne se sache être sachant. Quel est ce savoir dit inconscient dont ce sens, aussitôt, se sanctionne. Une fois de plus, c'est l'impossible qui le rejette dans le réel. S'il existe, il suffit à disqualifier l'illusion d'une connaissance simple, non sans qu'elle subsiste, mais comme mirage contre connaissance et fonction de nature, qui ici ne se sait que d'une dénaturation produite en rapport avec ce savoir par une suite de rétorsions. Les premières affectant celui-ci, ce savoir, qui produit des refoulements de signifiants. La figure négative, évidemment, s'y ajoutant la condition de représentabilité à quoi tout matériel qu'il soit, le fait signifiant est vu. Cependant, quand revient rétorsion expressément articulé, et c'est ce qui fait sa valeur, le démenti, souligne le terme qui répond en preuve, faire le gnome. Le démenti qu'apporte l'inconscient de ce qui pourrait, de ses effets que je viens de dire, s'interpréter d'un sens. Par quoi l'inconscient ne jubile que du non-sens, du non-sense, exactement. Du moins, il ne prend pas à la nature, qui a évité sa rencontre. Je ne rappelle que pour mémoire et pour les ignorants, c'est Platon lacanien. Il doit être inscrit sous la rubrique de formation de la conscience. Je souligne, pour dire ici, je n'ai pas articulé les démons. Il faut que je les complète ces bateaux. C'est à de savoir rejeter. Ce jeu de l'insistance du savoir inconscient, à partir d'un sujet concevable, d'en prononcer ce que Freud appelle le verdict. Rappelez-vous ces termes, jugement, rejet et convainc. Que, comme je le dis, folklore du symbolique, savoir, reparaître dans le réel de l'hallucination. C'est à fixer ces termes correctement que j'ai dû déjà me rouler aux pieds de ceux dans cette expérience quotidienne, sans les arracher à des rêves, pour eux assez présentables, pour qu'ils continuent à dormir. Il suffisait de soucieux d'un réveil éventuel, ils frustrent à ma réalité, pour qu'il me rejetasse de ces délices symboliques. D'où revenu dans le réel de l'ENS. De l'étang, donc, vous pouvez faire ça avec un chien si vous voulez, de l'étang de l'école normale supérieure, je m'entendis dès le premier jour réellement sommé de déclarer quel être j'accordais à tout ça. Je répondis que la question me paraissait impropre, que je ne me croyais pas redevable à l'endroit de mes auditeurs d'aucune ontologie. C'est qu'un erreur à ma logique, je faisais honteux de son honteux. J'ai les raisons du jour témoignent. Je n'irai pas par quatre chemins, ni par forêt à quatre arbres. L'être ne naît que de la faille que produit l'étang que se dit formule qui relègue l'auteur à mettre l'acte en son moyen. Il faut alors à cet état, le temps de se dire. Ce fond du temps est proprement ce par quoi l'être le sollicite en l'inconscient. C'est bien de l'être que répondit. Parfois, il faudra le temps. Mais entendez, je joue décidément du cristal de ma langue pour réfracter le signifiant ou décomposer le sujet. Il faudra le temps. C'est du français que je vous cause, hein, j'espère pas du chagrin. Ce qu'il faudra du faux du temps, dit la faille dont je suis parti. Sur le terme ce qu'il faudra que je fasse. Et bien que l'usage d'une grammaire, dans une grammaire faite pour prévenir les Belges de leur belgicisme, c'est un livre que j'explique beaucoup, n'en soit pas recommandé de ce faudra lire connu. La grammaire autrement faudrait à ses devoirs. Si tout s'en faut qu'elle en soit là, vous touchez de ce peu la preuve que c'est bien du manque. En français, le falloir passe à la nécessité. Cependant, l'estuer, car ça se disait comme ça, estopus temporis dans l'occasion. Que l'estuaire est parti, si je puis dire, à la dérive de l'estuaire du vieux français. Inversement, ce falloir retourne à la faille, pas par hasard, de la modalité subjonctive à la défaillance, à moins qu'il faille. À quel niveau pour l'articulation de l'inconscient trouver l'attache du dire à l'être? Assurément, ce qui du temps lui fait étoffe, n'est pas d'un cours imaginaire. Mais disons qu'elle soit textile, faite de nœuds qui ne veulent dire que des trous qui s'y trouvent. Ce niveau n'a pas dans soi, sinon ce qui en soi est masochiste. C'est précisément ce que le psychanalyste relève de le reléguer d'un quelqu'un. Il va supporter le faux du temps aussi longtemps qu'il faudra pour qu'à se dire les temps fassent être quelque chose. On sait que j'ai voulu quelques mois introduire l'énormité de l'acte psychanalytique. Ce quelqu'un par le psychanalyste relevé, et selon l'être à venir se détermine selon la façon dont quelqu'un définit la voie vraie. Ce fut le fait des stoïciens, non sans cohérence, non, il n'y a, il n'y a qu'un savoir à faire la médiation du vrai. C'est la logique qui n'a démarré du bon pas qu'à faire du vrai et du faux de cours signifiant. Et l'être, grand V, grand F, ou comme on dit encore, des valeurs. Ce fut le fait des stoïques, non sans cohérence avec la morale d'un masochisme politique. Les refus au-dessus de la mécanique directe. Elle barrait l'accès à la logique mathématique. D'où seulement a pu s'édifier un vrai de pure texture. C'est pourquoi les stoïciens purent être harcelés par les sceptiques dont la critique ne se soutient, paradoxalement, que de la supposition d'un vrai de nature, même s'ils le tiennent pour inaccessible. C'est justement ce que l'expérience psychanalytique réfute. Chacun en apprenant que le vrai de nature se résume à la jouissance que permet le vrai de texture. L'intervalle dont quelqu'un joue à y intervenir dans la psychanalyse n'est figurable que de la distance de l'écrit à la parole. Ce n'est que l'écrit qu'a pu se sustenter une logique, la logique dite mathématique, dont les sceptiques auraient la surprise de constater qu'elle obtient l'assurance irréfutable du vrai sur des assertions aussi peu vides que, par exemple, un système défini comme de l'ordre de l'arithmétique n'obtient la consistance d'obtenir toujours des partages du vrai et du faux qu'à se confirmer d'être incomplet, soit exiger l'indémontrable de formules qui se vérifient ailleurs. Ou encore, cet indémontrable relève d'autre part d'une démonstration qui en décide indépendamment de sa vérité. Ou encore, il y a un indécidable qui s'articule de ce que l'indémontrable ne saurait être même décidé. Les coupures du texte articulatoire de l'inconscient doivent être retenues d'une telle structure, à savoir de ce qu'elle laisse tomber, car voici qu'une fois de plus, je vais du cristal de la langue tirer parti, à remarquer que ce chut d'être falsus du latin lit le faux, certes. Fort distinct, en son sens et pour t'opposer au vrai, à notre faux du temps et à son failli, parce qu'il est le participe passé de fallere, dont les deux verbes faillir et falloir proviennent chacun de son détour. Et observez que je ne fais intervenir l'étymologie qu'en soutien de l'effet cristal homophonique. Aussi de la dimension du faux, à se corriger quand il s'agit de l'interprétation, c'est justement d'être falsa, même pas bien tombé, une interprétation opère de ce que l'être soit à côté. Ne pas oublier dans la psychanalyse le falsus et causal de l'être en procès de vérification. Sans doute à son époque n'avait pas à connaître plus en ce champ que l'appui de Brentano, qui est parfaitement repérable, quoique discret dans un texte comme celui de la Fernaio. Il suffirait à indiquer où quelqu'un fait le poids du côté de l'analyste, même si je ne forçais pas la voix enfin à sa pureté de l'union logique. Et s'y ajoute chez Freud ce trait que je crois décisif. La foi unique qu'il faisait à ces juifs, dont par ailleurs il repoussait ce qu'il faut bien noter de sa désignation d'aversion, l'occultisme. Cette foi unique leur était faite de ne pas faillir au séisme de la vérité. Pourquoi eux et pas d'autres? Du nom de ce que le juif et Freud y a fini comme eux, c'est celui qui de tous les siècles à partir du retour de Babylone, où qu'il soit allé à Sully, et que le Midrash est sa voix. Midrash, c'est ce que je vais vous dire. Pour avoir le livre du style le plus historique, le plus antimité qui soit, la vie. Le peuple hébreu l'interroge du pied de chacune de ses lettres et de celle-ci seule, d'une inflexion de désinence, d'un jeu d'interversion, d'un voisinage même pas tenu pour préconçu, interroge le livre, par exemple, ce qu'il n'a plus dit de l'enfance de Moïse. Pourquoi dans cet intervalle où Freud si bien a vu jouer le feu, lui fallait-il pousser la mort du père, une face contentée, autre effet de cristal, seulement de la faute du temps. Enfin,